Alors, pour introduire notre propos, en fait, on va revenir tout d'abord sur les fondements, la genèse, de ce projet, qui, est en fait lié à on pourrait dire à deux éléments. Tout d'abord, un contexte. Un contexte, c'est celui qu'a rappelé, Sylvain à l'instant, c'est-à-dire celui du développement de la recherche sous contrat depuis quelques années. Même si, évidemment, au-delà de cette évolution, on sait que la précarité dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est évidemment pas nouvelle. Et le deuxième élément, c'est plutôt un élément qui relève de la qualité des données dont on dispose par rapport à ces situations, dans la mesure où il est relativement difficile de restituer ces situations de précarité dans la recherche et l'enseignement supérieur, excusez-moi, dans la mesure où les établissements de recherche et d'enseignement supérieur sont morcelés, enfin sont distincts et n'ont pas forcément de lien entre eux, et d'autant plus que la loi sur l'autonomie des universités peut tendre à compromettre l'unification des données relatives aux universités. On dispose certes de quelques sources, notamment ce qu'on appelle les bilans sociaux dans les universités et les 8 EPST, mais ces bilans sociaux, je ne sais pas si vous les avez déjà consultés, ils sont un petit peu problématiques dans la mesure où on a un aperçu relativement partiel des situations de précarité, puisque ne sont recensés dans les bilans sociaux que les personnes qui sont sous contrat au moment de. Enfin, pas au moment, mais les personnes qui sont sous contrat dans les établissements concernés. Ce qui signifie que, en marge de ces personnes, vous avez des personnes qui, de fait, travaillent dans la recherche, mais ne sont pas nécessairement sous contrat ou font des vacations et ne sont pas pris en considération par ces bilans sociaux. Donc, ça compromet, d'une certaine manière, la connaissance des situations de précarité. Donc, pour nous, il semblait relativement important, compte tenu de ce contexte que j'évoquais et de ces espèces d'angles morts, on pourrait dire, de la statistique publique, d'essayer de monter un projet d'enquête permettant de restituer la diversité des formes de précarité. Alors, bien évidemment, cette initiative. Elle supposait d'aller chercher nous-mêmes les personnes concernées, donc de les sensibiliser. Et c'est la raison pour laquelle, en aucun cas, on peut considérer que l'enquête dont on va vous parler ne constitue un recensement. Il ne s'agissait pas du tout de dénombrer les précaires. C'est relativement difficile pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Ça supposerait d'avoir, dans tous les établissements concernés, des relais particulièrement fiable et informé de la situation de toutes les personnes qui travaillent dans les établissements de la recherche et de l'enseignement supérieur, ce qui est quasiment impossible. Toutefois, il nous semblait possible, justement, de recueillir les visages de la précarité. Donc, ce qu'on va vous présenter ici n'est pas un recensement, mais une enquête qui repose sur une participation volontaire et qui, de ce point de vue, n'est pas sans faire penser à des enquêtes qui ont pu être réalisées sur le même mode de participation volontaire auprès de populations qui ne sont pas toujours faciles à atteindre. Alors pour pouvoir justement atteindre la population à laquelle nous nous intéressions, nous avons opté pour un mode de passation du questionnaire par Internet. Pour une raison simple, c'est que la plupart des personnes qui travaillent dans l'enseignement supérieur et la recherche sont en contact avec cet outil de manière très régulière et que les réseaux, les listes de diffusion permettaient de faire connaître notre projet. Voilà. Donc, on va, avant d'en venir de manière un peu plus détaillée à la genèse de l'enquête. Juste quelques éléments sur les premiers résultats d'ensemble. Plus de 4 000 personnes ont répondu à l'enquête, 4409, ce qui est assez considérable, enfin en tout cas peut permettre sur un plan statistique de faire pas mal de choses, sachant que plus de 1000 personnes ont répondu dans les 36 heures qui ont suivi la mise en ligne du questionnaire, ce qui est plutôt révélateur du fait que cette enquête était quelque part un peu attendue. Donc je vais laisser la parole à Isabelle pour évoquer la genèse